Chapitre 10e. Malgré les mouvements désordonnés du navire, la vie du bord s'organisait. Avec l'anglo-saxon, rien de plus simple. Ce paquebot, c'est son quartier, sa rue, sa maison qui se déplace, et il est chez lui. Le français, au contraire, a toujours l'air de voyager quand il voyage. Lorsque le temps le permettait, la foule affluait sur les boulevards. Tous ces promeneurs, qui tenaient leur perpendiculaire malgré les inclinaisons du roulis, avaient l'air d'hommes ivres, chez lesquels l'ivresse eût provoqué au même moment les mêmes allures. Quand les passagères ne montaient pas sur le pont, elles restaient soit dans leur salon particulier, soit dans le grand salon. On entendait alors les tapages harmoniques qui s'échappaient des pianos. Il faut dire que ces instruments, très houleux comme la mer, n'eussent pas permis au talent d'un liste de s'exercer purement. Les basses manquaient quand ils se portaient sur bâbord, et les hautes quand ils penchaient sur tribord. De là, des trous dans l'harmonie ou des vides dans la mélodie dont ses oreilles saxonnes ne se préoccupaient guère. Entre tous ces virtuoses, je remarquai une grande femme osseuse qui devait être bien bonne musicienne. En effet, pour faciliter la lecture de son morceau, elle avait marqué toutes les notes d'un numéro et toutes les touches du piano d'un numéro correspondant. La note était-elle côté 27, elle frappait la touche 27. Était-ce la note 53, elle attaquait la touche 53. Et cela sans se soucier du bruit qui se faisait autour d'elle, ni des autres pianos résonnant dans les salons voisins, ni des maussades enfants qui venaient à coups de poing écraser des accords sur ces octaves inoccupées. Pendant ce concert, les assistants prenaient au hasard les livres épars çà et là sur les tables. Un d'eux y rencontrait-il un passage intéressant, il le lisait à voix haute, et ses auditeurs, écoutant avec complaisance, le saluaient d'un murmure flatteur. Quelques journaux traînaient sur les canapés, de ces journaux anglais ou américains, qui ont toujours l'air vieux, bien qu'ils ne soient jamais coupés. C'est une opération incommode que de déployer ces immenses feuillets qui couvriraient une superficie de plusieurs mètres carrés. Mais la mode étant de ne pas couper, on ne coupe pas. Un jour, j'eus la patience de lire le New York Herald dans ces conditions et de le lire jusqu'au bout. Mais que l'on juge si je fus payé de ma peine en relevant cet entrefilet sous la rubrique Personnel, Monsieur X prit la jolie Miss Z, qu'il a rencontrée hier dans l'omnibus de la 25e rue, de venir le trouver demain dans la chambre 17 de l'hôtel Saint-Nicolas. Il désirait causer mariage avec elle. Qu'a fait la jolie Miss Z? Je ne veux même pas le savoir. Je passai toute cette après-dînée dans le grand salon, observant et causant. La conversation ne pouvait manquer d'être intéressante, car mon amie Dean Pitferge était venue s'asseoir auprès de moi. « Êtes-vous remis de votre chute ?» lui demandai-je. « Parfaitement, » me répondit-il, « mais cela ne marche pas. »« Qu'est-ce qui ne marche pas ? Vous ? Non, notre steamship. Les chaudières de l'hélice fonctionnent mal. Nous ne pouvons obtenir assez de pression. »« Vous êtes donc très désireux d'arriver à New York ?»« Nullement. Je parle en mécanicien, voilà tout. Je me trouve fort bien ici, et je regretterai sincèrement de quitter cette collection d'originaux que le hasard a réunis à bord, pour mon plaisir. » « Des originaux ? » m'écriai-je, en regardant les passagers qui affluaient dans le salon. « Mais tous ces gens-là se ressemblent. »« Bon, » fit le docteur, « on voit que vous ne les connaissez guère. »« L'espèce est la même, j'en conviens, mais dans cette espèce, que de variété. » Considérez là-bas ce groupe d'hommes sans gêne, les jambes étendues sur les divans, le chapeau vissé sur la tête. Ce sont des Yankees, de purs Yankees des petits états du Maine, du Vermont ou du Connecticut. » Des produits de la Nouvelle-Angleterre, hommes d'intelligence et d'action, un peu trop influencés par les révérends, mais qui ont le tort de ne pas mettre leurs mains devant la bouche quand ils éternuent. Ah, cher monsieur, ce sont là de vrais saxons, des natures à progain et habiles donc. Enfermez deux Yankees dans une chambre, au bout d'une heure, chacun d'eux aura gagné $10 à l'autre. Je ne vous demanderai pas comment, répondis-je en riant au docteur, mais parmi eux je vois un petit homme, le nez au vent, une vraie girouette. Il est vêtu d'une longue redingote et d'un pantalon noir un peu court. Quel est ce monsieur ? C'est un ministre protestant, un homme considérable du Massachusetts. Il a rejoint dans sa femme une ex-institutrice très avantageusement compromise dans un procès célèbre. Et cet autre, grand et lugubre, qui paraît absorbé dans ses calculs ? Cet homme calcule, en effet, dit le docteur. Il calcule toujours et toujours. Des problèmes ? Non, sa fortune. C'est un homme considérable. À toute heure, il sait à un centime près ce qu'il possède. Il est riche. Un quartier de New York est bâti sur ses terrains. Il y a un quart d'heure, il avait $1,625,367,5. mais maintenant il n'a plus qu'un million 625 367 dollars un quart. Pourquoi c'est différent dans sa fortune? Parce qu'il vient de fumer un cigare de 30 sols. Le docteur Dean Pitford, j'avais des réparties si inattendues que je le poussais encore. Il m'amusait. Je lui désignai un autre groupe casé dans une autre partie du salon. Ceux-là, me dit-il, ce sont les gens du Far West. Le plus grand, qui ressemble à Maître Clair, c'est un homme considérable, le gouverneur de la Banque de Chicago. Il a toujours sous le bras un album représentant les principales vues de sa ville bien-aimée. Il en est fier et avec raison. Une ville fondée en 1836 dans un désert et qui compte aujourd'hui 400 000 âmes, y compris la sienne. Près de lui, vous voyez un couple californien. La jeune femme est délicate et charmante. Le mari, fort décrassé, est un ancien garçon de charrue qui un beau jour a labouré des pépites. Ce personnage est un homme considérable, dis-je. Sans doute, répondit le docteur, car son actif se chiffre par millions. Et ce grand individu qui remue toujours la tête du haut en bas comme un nègre d'horloge? Ce personnage, répondit le docteur, c'est le célèbre Cockburn de Rochester, le statisticien universel qui a tout pesé, tout mesuré, tout dosé, tout compté. Interrogez ce maniaque inoffensif. Il vous dira ce qu'un homme de 50 ans a mangé de pain dans sa vie, le nombre de mètres cubes d'air qu'il a respiré. Il vous dira combien de volumes in quarto rempliraient les paroles d'un avocat de Temple Bar et combien de milles fait journellement un facteur rien qu'en portant des lettres d'amour. Il vous dira le chiffre des veuves qui passent en une heure sous le pont de Londres et quelle serait la hauteur d'une pyramide bâtie avec les sandwichs consommés en un an par les citoyens de l'Union. Il vous dira... Le docteur, lancé à toute vitesse, eut longtemps continué sur ce ton, mais d'autres passagers défilaient devant nos yeux et provoquaient de nouvelles remarques de l'intarissable docteur. Que de types divers dans cette foule de passagers. Pas un flâneur, pourtant, car on ne se déplace pas d'un continent à l'autre sans un motif sérieux. La plupart allaient sans doute chercher fortune sur cette terre américaine, oubliant qu'à 20 ans, un Yankee a fait sa position et qu'à 25, il est déjà trop vieux pour entrer en lutte. Parmi ces aventuriers, ces inventeurs, ces coureurs de chance, Dean Pitferge m'en montra quelques-uns qui ne laissaient pas d'être intéressants. Celui-ci, un savant chimiste, un rival du docteur Liebig, prétendait avoir trouvé le moyen de condenser tous les éléments nutritifs d'un bœuf dans une tablette de viande grande comme une pièce de 5 francs, et il allait battre monnaie sur les ruminants des pampas. Celui-là, inventeur du moteur portatif, un cheval vapeur dans un boîtier de montre, courait exploiter son brevet dans la Nouvelle-Angleterre. Cet autre, un Français de la rue Chapon, emportait 30 000 bébés de carton qui disaient « papa » avec un accent américain très réussi, et il ne doutait pas que sa fortune ne fût faite. Et sans compter ses originaux, que d'autres encore dont on ne pouvait soupçonner les secrets. Peut-être, parmi eux, quelque caissier fuyait-il sa caisse vide, et quelque détective, se faisant son ami, n'attendait-il que l'arrivée de Great Eastern à New York pour lui mettre la main au collet. Peut-être aussi eut-on reconnu dans cette foule quelques-uns de ces lanceurs d'affaires interlopes qui trouvent toujours des actionnaires crédules, même quand ces affaires s'appellent Compagnie océanienne pour l'éclairage au gaz de la Polynésie ou Société générale des charbons incombustibles. Mais en ce moment, mon attention fut distraite par l'entrée d'un jeune ménage qui semblait être sous l'impression d'un précoce ennui. « Ce sont des Péruviens, mon cher monsieur, » me dit le docteur. « Un couple marié depuis 1 an, qui a promené sa lune de miel sur tous les horizons du monde. Ils ont quitté Lima le soir des noces. Ils se sont adorés au Japon, aimés en Australie, supportés en France, disputés en Angleterre, et ils se sépareront sans doute en Amérique. » « Et dis-je, quel est cet homme de grande taille et de figure un peu hautaine qui entre en ce moment ? À sa moustache noire, je le prendrai pour un officier. »« C'est un mormon, » me répondit le docteur. « Un elder, Mr. Hatch, un des grands prédicateurs de la Cité des Saints. Quel beau type d'homme. Voyez cet œil fier, cette physionomie digne, cette tenue si différente de celle du Yankee. Mr. Hatch revient de l'Allemagne et de l'Angleterre où il a prêché le mormonisme avec succès, car cette secte compte en Europe un grand nombre d'adhérents auxquels elle permet de se conformer aux lois de leur pays. En effet, dis-je, je pense bien qu'en Europe la polygamie leur est interdite. « Sans doute, mon cher monsieur, mais ne croyez pas que la polygamie soit obligatoire pour les mormons. Brigham Young possède un harem parce que cela lui convient, mais tous ses adeptes ne limitent pas sur les bords du lac Salé. » Vraiment, et Mr. Hatch n'a qu'une femme, et il trouve que c'est assez. D'ailleurs, il se propose de nous expliquer son système dans une conférence qu'il fera un soir ou l'autre. « Le salon sera plein, » dis-je. « Oui, » répondit Pitferge, « si le jeu ne lui enlève pas trop d'auditeurs. » Vous savez que l'on joue dans le roufle de l'avant. Il y a là un anglais de figure mauvaise et désagréable qui me paraît mener ce monde de joueurs. C'est un méchant homme dont la réputation est détestable, l'avez-vous remarqué? Quelques détails ajoutés par le docteur me firent reconnaître l'individu qui, le matin même, s'était signalé par ses paris insensés à propos de l'épave. Mon diagnostic ne m'avait pas trompé. Dean Pitferge m'apprit qu'il se nommait Harry Drake. C'était le fils d'un négociant de Calcutta, un joueur, un débauché, un duelliste, à peu près ruiné, et qui allait probablement en Amérique tenter une vie d'aventure. « Ces gens-là, » ajouta le docteur, « trouvent toujours des flatteurs qui les prônent, et celui-là a déjà son cercle de grenats, dont il forme le point central. Parmi eux, j'ai remarqué un petit homme court, figure ronde, nez busqué, grosses lèvres, lunettes d'or, qui doit être un juif allemand matiné de Bordelais. Il se dit docteur, en route pour Québec, mais je vous le donne pour un farceur de bas étage et un admirateur du Drake. » En ce moment, Dean Pitferge, qui sautait facilement d'un sujet à un autre, me poussa le coude. Je regardais la porte du salon. Un jeune homme de 22 ans et une jeune fille de 17 entraient en se donnant le bras. « Deux nouveaux mariés ? » demandai-je. « Non, » me répondit le docteur d'un ton à demi attendri. « Deux vieux fiancés qui n'attendent que leur arrivée à New York pour se marier. Ils viennent de faire leur tour d'Europe, avec l'autorisation de la famille, s'entend, et savent maintenant qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Braves jeunes gens. C'est plaisir de les regarder. » Je les vois souvent penchés sur les coutils de la machine et là, ils comptent les tours de roue qui ne marchent pas assez vite à leur gré. Ah, monsieur, si nos chaudières étaient chauffées à blanc comme ces deux jeunes cœurs, voilà qui ferait monter la pression.